un animal s'est échappé sans faire de mal ni se blesser. Seul et te fondre dans la foule et dans les arrières-salles, le nez dans le néant des néons. Dis-toi que tu me manques souvent et j'attends que tu viennes te coucher à mes pieds. Mon animal. Mon animal.